Piste 36. Exercice 3. Et 1. Le vieux marché. 2. C'est un quartier silencieux. 3. Il y a deux fleuristes dans le quartier. OE 1. Au bord du fleuve. 2. L'immeuble au nord. 3. Il y a un beau château dans le vieux centre. Et O E 1. Les beaux immeubles. 2. Le marché aux fleurs. 3. Je vais au musée des beaux-arts. 4. Il y a un fleuriste à côté du métro.